Nous sommes dans l'église où presque tout le village est réuni. Le jeune prêtre est en chair. Et maintenant, mes chers amis, laissez-moi vous parler d'un petit événement local, mais qui présente pour notre chère paroisse une certaine importance. J'ai entendu, bien malgré moi, les commentaires de toutes nos paroissiennes qui se racontaient le scandale du jour sous le porche même de l'église. Et tout dans leur voix, dans leur ton, dans la couleur de leur visage, prouvait qu'elles y prenaient un intérêt passionné. Le boulanger vient d'entrer discrètement. Il a mis son costume des dimanches. Il reste au fond de l'église, près de la porte, derrière un pilier. Le curé ne l'a pas vu. Eh bien non, mes amis. Oh non, mais non, voyons. Cet incident déplorable ne doit pas occuper toutes les pensées. Mais puisqu'il me paraît que toutes mes ouailles sont informées de l'accident, tant vaut-il que je l'évoque ici. Non par un esprit de commérage qui, vous le savez, n'est pas dans mon cœur, que pour en tirer peut-être une profitable leçon. Lorsque Monseigneur me fit l'honneur de me confier cette paroisse, je m'aperçus dès mon arrivée que la grand-messe du dimanche était moins suivie que les messes matinales de la semaine. J'en fus donc très douloureusement surpris. Mais certaines de mes pénitentes me confièrent que si elles ne venaient pas à la messe le dimanche matin, c'était parce que leur mari le leur défendait et que, réunis pour une partie de boules devant le Saint-Lieu, ils auraient pu les voir passer. Tandis que pendant la semaine, ces craintives brebis pouvaient venir en cachette se réfugier auprès du bon pasteur. Aujourd'hui, mes amis, voici le signe et voici la leçon. Cette femme qui est partie, cette femme qui a quitté un mari honnête et travailleur, un mari pour qui nous avons tous une profonde estime, cette femme qui était ici depuis plusieurs jours, n'était pas venue une seule fois à la messe. Espérons que Dieu, avec sa bonté coutumière, lui inspirera un prompt dégoût de son péché, qu'elle passera le reste de ses jours à le regretter, et qu'elle finira par l'effacer par la confession et par la prière. Le boulanger, qui écoute avec émotion, hoche la tête de temps à autre en manière d'approbation. Mais ne perdons pas un précieux enseignement. Marie tyrannique, Marie impie, Marie aveugle, vous n'êtes pas ici, mais ma parole vous atteindra. Sachez que toute femme a besoin d'un berger. Si vous empêchez ces faibles créatures de se réfugier auprès du berger des âmes, elles s'envoleront avec un berger de moutons, un berger maudit du Seigneur, un berger qui dévore les âmes de ses innocentes brebis. Si du moins ce ravisseur malhonnête vous fait enfin comprendre vos devoirs, mais je dirais que cette histoire scandaleuse est un grand bienfait pour la paroisse. Le boulanger n'approuve plus du tout, et il ouvre de grands yeux stupéfaits. Mais nous devons tous nous en réjouir, et il nous faut remercier Dieu de cet avertissement salutaire. Le boulanger dégoûté met son chapeau et sort. Il traverse la partie de boule. Comme il allait se diriger vers le cercle, il rencontre le papé qui l'appelle. Boulanger. Oh. Ce matin au jardin, tu m'as demandé si j'avais vu ta femme. Oui, tu l'as vu ma femme? Non, je ne l'ai pas vue, mais j'ai vu ta sœur. Tu as vu ma sœur? Oui, la jolie, celle qui vend le pain. Tu es parent avec le berger du marquis? J'en ai bien peur. Il s'embrassait d'une force terrible. Merci. Il tourne le dos au vieillard et s'éloigne. Ma foi, j'ai peut-être trop parlé. Il y en a qui sont jaloux de leur sœur.